Dickasses. Ok. De face en face B. De face en face B. Si j'avais été au sommet, j'aurais pas tergiversé, je l'aurais pas fait en sonner pour quitter la terre sans remercier. Comme je l'ai dit un peu avant, je mettrais ma casquette à l'endroit, pas besoin de rimes savantes, mais je veux pas casquer mais aller. 3. Je ferais pas genre les rappeurs, quitter l'école, peut-être devenir ingénieur, ou bien visiter les deux pôles. J'ai toujours bien soutenu, donc je veux pas te le bafouiller. Je veux pas qu'on me dise en gros t'es nul, donc profusion à mes bas souliers, à ne même pas songer, à ne même pas songer. De toute façon t'es étranger. Sont des étrangers. Mais qui est vraiment de cette terre natale? On est tous alter ego quand il s'agit de la pierre tombale. J'étouffe dans ce monde, mais ce n'est pas mieux ailleurs. On n'a qu'une vie, mais je finirai pas mort, mon chauve mis à l'heure. Je n'ai pas de pouvoir, ou en tout cas, je sais pas m'en servir. Et si j'écris tous les soirs, c'est pour ne jamais avoir à sévir. Je regarde le ciel, non, j'ai dans l'air, mais quand je vois que c'est scientifique, je me dis que tout est éphémère et que l'on l'ignore. Là où il hic, je ne suis qu'un héros, mais je préférerais le terme bambino. Je ne vois pas mon avenir, je suis miro. Et quand je vois le bon, je me dis que je suis qu'un mino. On veut tous partir d'ici, mais là-bas la vie est pire. Petite partie d'indécis, mais bon, on préfère Henri pour une petite dédicace. On ferme les yeux, on imagine, nous on veut la première classe, mais on se plaint en image libre. On veut nous faire lever le rideau et faire éclater les ovations. On veut plus que des well done, pas c'est aux informations. Donc il faut le tout pour le tout, si tu veux pas te faire enterrer. On veut sortir de dessous avec un certain intérêt. J'ai tellement entendu de conneries que je vous cliquais sur les faces B. On veut tous une carrière à la chaîne connerie, mais les gens sont cons, si tu savais. Si tu savais, c'est à l'âge de 11 ans que j'ai appris que sur cette vie faut méditer. Pas philosophe, non, juste un peu pour au moins comprendre. Automne, hiver, été, automne, hiver, été, automne, hiver, été. On vit dans un monde apparemment piégé par le net. Pourtant tout le monde dit, même ceux qui te font la morale, c'est bête. Sans transport, même sans passeport, franchement ferme les stores. Si la vie continue comme ça, il va y avoir du sport. Bref, je veux aller plus haut, Santina Arena. J'aurais pas pu le faire plus tôt, comme ça t'inhalera ça. Voilà ce que je pense, voilà mon diaporama. Je veux une carrière étanche, au diapo sonore, voilà. Ok. Ok. Yeah. The guesses. Je trace ma route, l'écris comme dans un récital, démarre sur les chapeaux de roue, comme si j'avais une boule de cristal. Et si je dois continuer, j'y arriverai avec brio. Je veux pas me faire tuer, je tente à dire, je ne suis qu'un héros. Héros. Héros. Héros. De là-haut je vois tout, d'un œil miro, miro, miro. Trace ma route, écrit comme dans un récital, démarre sur les chapeaux de roue, comme si j'avais une boule de cristal. Et si je dois continuer, j'y arriverai avec brio. Je ne peux pas me faire tuer, j'ai tant à vivre. Je suis qu'un héros, héros, héros, héros. De là-haut je vois tout, d'un œil miro, miro, miro. Phase en phase B, de phase en phase B, de phase en phase B. Ok. Je trace ma route, je comme dans un récital, me marche sur les chapeaux d'onde, comme si j'avais une boule de cristal. Et si je dois continuer, j'y arriverai avec brio. Je veux pas me faire tuer, je tente à vivre. Je ne suis qu'un héros, héros, héros, héros. De là où je vois tout, d'un œil miro. Je trace ma route, écrit comme dans un récital, démarre sur les chapeaux de roue, comme si j'avais une boule de cristal. Et si je dois y arriver, j'y arriverai avec brio. Je ne veux pas me tuer, et tant à vivre, je ne suis qu'un héros, héros, héros.